Je sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. On dit que l'alcool, c'est pas bon pour le foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour le cœur. Et trois à la fois, y'a pourtant rien de meilleur. Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Cigarettes et whisky et petites pépées, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer. J'ai d'abord fumé pour faire comme les copains. J'ai pris une beauté pour faire mon petit malin. J'ai bu dans son verre, elle a bu dans le mien. Puis j'ai bu tout seul quand j'ai eu du chagrin. Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Cigarettes et whisky et petites pépées, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer. Les femmes et le tabac, je l'ai souvent constaté. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais j'y ai pris goût, vite un whisky mon gars. Une blonde à mes lèvres et l'autre dans mes bras. Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Cigarettes et whisky et petites pépées, c'est ça la vie, mais c'est bon de les aimer. Quand mon ange gardien, en se croisant les ailes, me dira tu viens là-haut, y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné. Un baiser de Margot et vive l'éternité. Cigarettes et whisky et petites pépées nous laissent groggy et nous rendent tous cinglés. Ouais, ouais. Cigarettes et whisky et petites pépées, bye bye la vie, y'a plus rien à regretter. Y'a plus rien à regretter. Y'a plus rien à regretter.